Les conquérants savent que l'action est en elle-même inutile. Il n'y a qu'une action utile, celle qui referait l'homme et la terre. Je ne referai jamais les hommes. Mais il faut faire comme si, car le chemin de la lutte me fait rencontrer la chair. Même humiliée, la chair est ma seule certitude. Je ne puis vivre que d'elle. La créature est ma patrie. Voilà pourquoi j'ai choisi cet effort absurde et sans portée. Voilà pourquoi je suis du côté de la lutte. L'époque s'y prête, je l'ai dit. Jusqu'ici, la grandeur d'un conquérant était géographique. Elle se mesurait à l'étendue des territoires vaincus. Ce n'est pas pour rien que le mot a changé de sens et ne désigne plus le général vainqueur. La grandeur a changé de camp. Elle est dans la protestation et le sacrifice sans avenir. Là encore, ce n'est point par goût de la défaite. La victoire serait souhaitable, mais il n'y a qu'une victoire, et elle est éternelle. C'est celle que je n'aurai jamais. Voilà où je bute et je m'accroche. Une révolution s'accomplit toujours contre les dieux, à commencer par celle de Prométhée, le premier des conquérants modernes. C'est une revendication de l'homme contre son destin. La revendication du pauvre n'est qu'un prétexte. Mais je ne puis saisir cet esprit que dans son acte historique, et c'est là que je le rejoins. Ne croyez pas cependant que je m'y complaise. En face de la contradiction essentielle, je soutiens mon humaine contradiction. J'installe ma lucidité au milieu de ce qui la nie. J'exalte l'homme devant ce qui l'écrase. Et ma liberté, ma révolte et ma passion se rejoignent alors dans cette tension, cette clairvoyance et cette répétition démesurée. Oui, l'homme est sa propre fin. Et il est sa seule fin. S'il veut être quelque chose, c'est dans cette vie. Maintenant, je le sais de reste. Les conquérants parlent quelquefois de vaincre et surmonter. Mais c'est toujours se surmonter qu'ils entendent. Vous savez bien ce que cela veut dire. Tout homme s'est senti l'égal d'un dieu à certains moments. C'est ainsi du moins qu'on le dit. Mais cela vient que, dans un éclair, il a senti l'étonnante grandeur de l'esprit humain. Les conquérants sont seulement ceux d'entre les hommes qui sentent assez leur force pour être sûrs de vivre constamment à ses hauteurs et dans la pleine conscience de cette grandeur. C'est une question d'arithmétique de plus ou de moins. Les conquérants peuvent le plus, mais ils ne peuvent pas plus que l'homme lui-même quand il le veut. C'est pourquoi ils ne quittent jamais le creuset humain, plongeant au plus brûlant dans l'âme des révolutions. Ils y trouvent la créature mutilée, mais ils y rencontrent aussi les seules valeurs qu'ils aiment et qu'ils admirent, l'homme et son silence. C'est à la fois leur dénuement et leur richesse. Il n'y a qu'un seul luxe pour eux, et c'est celui des relations humaines. Comment ne pas comprendre que dans cet univers vulnérable, tout ce qui est humain, et n'est que cela, prend un sens plus brûlant. Visage tendu, fraternité menacée, amitié si forte et si pudique des hommes entre eux, ce sont les vraies richesses, puisqu'elles sont périssables. C'est au milieu d'elles que l'esprit sent le mieux ses pouvoirs et ses limites, c'est-à-dire son efficacité. Quelques-uns ont parlé de génie, mais le génie, c'est bien vite dit. Je préfère l'intelligence. Il faut dire qu'elle peut être alors magnifique. Elle éclaire ce désert et le domine. Elle connaît ses servitudes et les illustre. Elle mourra en même temps que ce corps. Mais le savoir, voilà sa liberté. Nous ne l'ignorons pas, toutes les églises sont contre nous. Un cœur si tendu se dérobe à l'éternel. Et toutes les églises, divines ou politiques, prétendent à l'éternel. Le bonheur et le courage, le salaire ou la justice, sont pour elles des fins secondaires. C'est une doctrine qu'elles apportent et il lui faut y souscrire. Mais je n'ai rien à faire des idées ou de l'éternel. Les vérités qui sont à ma mesure, la main peut les toucher. Je ne puis me séparer d'elles. Voilà pourquoi vous ne pouvez rien fonder sur moi, rien ne dure du conquérant et pas même ses doctrines. Au bout de tout cela, malgré tout, est la mort. Nous le savons. Nous savons aussi qu'elle termine tout. Voilà pourquoi ces cimetières qui couvrent l'Europe et qui obsèdent certains d'entre nous sont hideux. On n'embellit que ce qu'on aime, et la mort nous répugne et nous lasse. Elle est aussi à conquérir. Le dernier Carrara, prisonnier dans Padoue, vidé par la peste, assiégé par les Vénitiens, parcourait en hurlant les salles de son palais désert. Il appelait le diable et lui demandait la mort. C'était une façon de la surmonter. Et c'est encore une marque de courage propre à l'Occident que d'avoir rendu si affreux les lieux où la mort se croit honorée. Dans l'univers du révolté, la mort exalte l'injustice. Elle est le suprême abus. D'autres, sans transiger non plus, ont choisi l'éternel et dénoncé l'illusion de ce monde. Leur cimetière sourit au milieu d'un peuple de fleurs et d'oiseaux. Cela convient au conquérant et lui donne l'image claire de ce qu'il a repoussé. Il a choisi, au contraire, l'entourage de fer noir ou la fosse anonyme. Les meilleurs parmi les hommes de l'Éternel se sentent pris quelquefois d'un effroi, plein de considération et de pitié devant des esprits qui peuvent vivre avec une pareille image de leur mort. Mais pourtant, ces esprits en tirent leur force et leur justification. Notre destin est en face de nous, et c'est lui que nous provoquons, moins par orgueil que par conscience de notre condition sans portée. Nous aussi, nous avons parfois pitié de nous-mêmes. C'est la seule compassion qui nous semble acceptable, un sentiment que peut-être vous ne comprenez guère et qui vous semble peu viril. Pourtant, ce sont les plus audacieux d'entre nous qui l'éprouvent. Mais nous appelons virils les lucides, et nous ne voulons pas d'une force qui se sépare de la clairvoyance.